regardes et puis tu cherches une autre issue. Seul. Tu regardes dans une brume perdue. Marche dans le silence de tes mots oubliés. Marche dans la douleur de ton histoire passée. Tu regardes et puis tu cherches une autre issue. Seul. Tu regardes dans une brume perdue. Marche dans la pâleur de ton corps brisé. Marche dans le tunnel de tes yeux fermés. Tu regardes et tu seul. Tu regardes dans une brume perdue. Tu regardes et puis tu cherches une autre issue. Seul. Tu regardes dans une brume perdue. Marche. Tu regardes dans une brume perdue. Marche.